C'est une des grandes illusions d'existence humaine. C'est pour ça que les gens se demandent cette question. Quand tu es au Canada, tu es dans telle famille, tu es connecté à telle personne, tout le monde se connaît directement ou indirectement. Tu connais l'ouvre-l'art? Mais l'ego est toujours... L'ego essaie de comprendre l'infinité de la vie, puis il ne peut pas comprendre. Parce qu'il n'est pas dans l'infinité de son esprit. Donc, automatiquement, il est tout. Mais quand tu es dans l'infinité de la vie, tu es tout tout. C'est de la niaiserie, tout. Mais tu ne peux pas faire autrement que le vivre tant que tu ne l'as pas vécu. Donc, je suis l'intimement le plus galant, le neuf, j'en vais. Donc, si on s'imagine jamais qu'on va l'avoir. Non, parce que. Non, vous n'imaginez pas que vous allez l'avoir parce que vous n'imaginez pas qu'est-ce que c'est. Vous ne réalisez pas qu'est-ce que c'est tant que vous ne l'avez pas. Non, ouais, ouais. Oui, c'est. Je te fais pas attention. Cache-toi tout bien. Écoutez-vous, croyez-vous. C'est parce que je comprenais rien, mais je cherchais pas à comprendre. Parce que je connaissais rien. Je voulais tout ça. Ça vous a perdu ton temps par là. C'est comme ça que ça a permis d'ouvrir le canal. Non, mais vraiment, la liberté, ça n'existe pas. Pas tel que vous la comprenez, non. La liberté. Vous êtes libre quand vous êtes un agent libre. À un certain niveau, mais avant d'arriver, si on parle des gens, on veut tout le monde sur la place 60, tout le monde, il y en a qui sont libres, mais ils ne peuvent pas être totalement libres. Tu peux pas être libre si tu n'es pas dans la vie. Comment tu peux être libre si tu n'es pas dans la vie? La liberté, c'est dans la vie. La liberté, c'est le mouvement de la vie à toutes les échelles d'évolution. Si tu n'es pas dans ce courant-là, tu ne peux pas être libre. Tu es affecté par des influences planétaires qui sont liées aux lois de karma. Ce n'est pas la liberté. Si tu m'as rendu une maison, une brique tombe dans la tête, tu m'as retiré dans le cas. Ce n'est pas la liberté. J'ai pris une maison de l'échec. La liberté pour l'homme, c'est une philosophie. C'est un concept. Oui, mais les hommes, c'est un concept. Ah, ben, ça fait partie de l'illusion. La liberté, l'homme est libre quand il est dans son esprit. La liberté, ce n'est pas un concept. C'est la vie. Pour être libre, il faut que tu puisses vivre la vie à tous les niveaux de son expression. En relation avec tous les principes qui forment ton humanité. Physique, astral, mental, etc. Tu peux être libre. C'est pas un concept, c'est une liberté. Ben, c'est cool, mais c'est pas des gens. Je m'occupe pas du monde, mais les gens, ce que l'humanité pense, pour moi, c'est évident. J'ai dit à des gens. As-tu pensé que t'es venu? Oui, oui. Qu'est-ce que ça a? J'étais un petit peu là dans une partie de la Mais c'est pas ça qui m'intéressait, c'est la psychologie de l'homme de la Je pense que Jeanne, il pourrait me parler des affaires. Des assiettes et des broches fouleuses, vous rendra conscience avec elle. C'est rien, ça passe avec moi. Je suis sûrement qu'une émission de télévision, n'importe quelle, j'y réponds toujours comme je veux. J'en ai comme il veut. Tout le temps, il faut que je leur donne.